mesdames, messieurs auditeurs de la radio Isangani, bienvenue à l'écoute de ce journal de la mi-journée de ce mercredi, dont voici les grands titres. Les habitants des provinces de Bouvanza et Ngozi divergent sur la nécessité de l'ombudsman. Les uns trouvent cet organe important et d'autres inutile. Quant à l'expert en résolution pacifique des conflits, l'organe de l'ombudsman reste important dans des pays qui ont connu des crises politiques. Et la route Bujumbura-Rumonge au niveau de Karonda, en commune et province Rumonge, risque de se couper suite aux pluies diluviennes tombées ce mardi. La chronique sur les messages de haine portée sur les messages de haine est lancée en public par des leaders politiques. Voilà pour les titres. Vestine, vous êtes aussi à la présentation. La cabine technique, vous êtes avec François Akima. Isanganiro, la radio de l'avenir. Oh bonjour, des avis des habitants de la province Ngozi divergent sur la nécessité de l'institution de l'ombudsman. Certains la trouvent importante et pour d'autres, celle-ci ne l'est pas. Il y a même ceux qui disent être confus suite aux missions de réconciliation attribuées aux différentes institutions étatiques. Ces derniers demandent à l'État d'organiser des sensibilisations pour faire comprendre à la population le rôle de ces divers organes suivez-le. Jusqu'à présent, je ne trouve aucune valeur ajoutée de cette institution. Je n'ai jamais vu les œuvres déjà réalisées, mais plutôt j'espère que ça va s'améliorer une fois que l'ombudsman collabore avec les notables collinaires. Vous voyez qu'au Burundi, il y a plusieurs partis politiques. Alors je pense que l'ombudsman intervient dans la médiation entre ces partis politiques et le parti au pouvoir afin d'arriver à un but commun. Il aide également à régler le différend avec une organisation publique ou privée. Selon moi, le rôle de l'ombudsman est de protéger les particuliers qui sont victimes d'une injustice de la part de l'administration. À part ça, on n'arrive pas à différencier différentes institutions chargées de réconciliation. Il y a des médiateurs entre l'État et les fonctionnaires de l'État, ou entre employés et employeurs, ou encore entre l'État et d'autres catégories de personnes. On n'arrive pas à distinguer cette institution de l'ombudsman et celui du CNDS ou du CNIDH. Le problème est que personne n'arrive pas à savoir laquelle institution à saisir. Pour ce, il faut alors des sensibilisations à l'endroit de la population concernant les différentes missions de ces institutions. Pour nous, l'institution de l'ombudsman n'a plus de place. Il n'y a plus de guerre au Burundi. Il n'y a même pas de conflit ouvert. Les seuls problèmes qui restent dans ce pays, c'est la pauvreté et la famine. Pour moi, si elle arrive à trouver solution à ces problèmes, je peux être d'accord avec l'existence de cette institution. Sinon, ça n'a plus raison d'être aujourd'hui, car il n'y a plus de guerre au Burundi. Même réaction chez les habitants de la province de Bubanza, où certains reconnaissent l'importance de cette institution, mais ils demandaient que l'ombudsman soit élu parmi les gens neutres, hors des tendances politiques et religieuses et autres. Et les autres disent plutôt ne rien connaître de l'ombudsman et demandent des sensibilisations et informations sur le rôle et l'importance de cet organe. Et l'institution de l'ombudsman a toujours de la place au Burundi comme un pays qui a connu un passé douloureux où il y a des gens qui gardent encore des séquelles. Analyse de l'expert en résolution pacifique des conflits, Chartier Nyungeko trouve que cette institution de médiation devrait être renforcée pour avoir des résultats positifs. Des sensibilisations à l'endroit de la population sur les responsabilités de l'ombudsman devraient être organisées, ajoute-t-il, suivez-le. Cette institution est toujours importante. Elle est toujours indispensable dans notre pays. Pourquoi je dis cela? Si nous revenons d'abord à sa mission, nous savons bien que la mission de cette institution d'ombudsman est de protéger d'abord les particuliers ou les citoyens et citoyennes qui pensent qu'ils sont en train de subir quelques injustices de la part du gouvernement. Et vous comprenez bien que ces gens-là ou ces citoyens qui pensent qu'ils sont en train de subir des injustices ont besoin d'un mécanisme à travers duquel ils peuvent être écoutés ou ils peuvent soumettre leurs doléances afin que leurs droits puissent être rétablis. C'est pourquoi, à mon avis, c'est une institution qui reste toujours pertinente et elle le restera pour moi. Parce que, comme j'aime le dire, quand on parle de conflit, la plus simple définition du conflit est qu'il s'agit d'un état ou d'une situation où plus de deux personnes, ou un groupe ou plusieurs groupes pensent qu'ils ont des buts, des objectifs ou des intérêts incompatibles. Vous comprenez qu'il y aura quelquefois des moments où quelques citoyens peuvent se sentir qu'ils sont victimes de certaines lois, de certaines mesures, de certaines décisions prises par le gouvernement. À ce moment-là, vous comprenez bien que ces gens-là auront toujours besoin d'un cadre d'expression, d'un cadre où ils peuvent être écoutés, d'un cadre de médiation entre ces derniers et les institutions concernées. Pour que les activités de l'institution d'Ombudsman puissent satisfaire aux bénéficiaires, il faut d'abord que cette institution comprenne que c'est une institution qui ne doit pas porter un chapeau politique, parce que c'est une institution qui est au service de tous les citoyens confondus. Et c'est pourquoi, pour moi, ça c'est vraiment la première condition pour que les activités de cette institution d'Ombudsman puissent vraiment avoir de l'impact positif en matière de médiation entre le gouvernement et les citoyens. En deuxième lieu, cette institution doit être renforcée pour qu'elle puisse être opérationnelle à travers tout le territoire. Et quand je parle du renforcement des capacités, il faut que tout citoyen qui a besoin de saisir cette institution puisse avoir l'accès. Je parle de l'accessibilité, je parle aussi des facilités, parce que je pense aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas bien informés sur les responsabilités et la mission de cette institution pour qu'elle puisse assurer la médiation entre elle et le gouvernement. Charsien Yungeko est l'expert en résolution pacifique des conflits. Et l'utilisation de l'argent mobile au Burundi est à 11%. Ce taux est faible par rapport à la Tanzanie qui est à 45%, Ouganda 54% et le Kenya 69%. Selon les analyses des chercheurs économistes, le faible niveau d'utilisation de l'argent mobile au Burundi s'explique surtout par le faible accès à l'électricité qui est à 12% et le faible accès au téléphone mobile qui est à 30%. Situation présentée ce mercredi lors d'une réunion sur l'inclusion financière organisée par le Centre universitaire de recherche pour le développement économique et social Kurdes en sigle. Suivez Michel Armel Ndaïkeza, consultant au sein de ce centre. Le taux d'utilisation de l'argent mobile au Burundi est faible, plus faible que ce que pensent beaucoup d'acteurs clés. Et nous avons trouvé un pourcentage de 11,4% d'utilisateurs au moment où le même pourcentage au Kenya, 68%, en Tanzanie, c'est 45% et en Ouganda, c'est 54%. En fait, dans la région, nous dépassons seulement le Sud-Soudan. Par rapport à l'utilisation de cette technologie dans différentes provinces du pays, on remarque qu'elle est surtout utilisée dans la mairie de Bujumbura et dans la province de Gitega, et ça diminue jusqu'à Rutana où on trouve seulement un taux de 2%. Et donc, comme ces statistiques sous-entendent, c'est une technologie qui est plutôt utilisée dans les zones urbaines plutôt que dans les zones rurales. Et on remarque que la plupart des gens qui utilisent, on remarque que cette technologie est surtout utilisée par les hommes par rapport aux femmes, est utilisée par les jeunes de plus de 25 ans par rapport aux jeunes qui sont entre 15 et 24 ans. Plus important, on remarque qu'elle est utilisée au Burundi comme dans d'autres pays de la communauté d'Afrique de l'Est par des gens qui sont relativement riche. Une contrainte majeure que l'on identifie dans cette étude, c'est la problématique de l'accès à l'électricité et aux terminaux, je veux dire les téléphones mobiles, deux conditions pour pouvoir utiliser cette technologie. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Il est 13h passé de 6 minutes dans les studios de la radio Isanganiro. Le journal est continué. La route nationale numéro 3 Transorumongi-Nyanzara qui est menacée d'écroulement au niveau de la rivière Gritotwe à Karunda, en commune première Sorumongi. La déviation est aménagée est en train d'être détruite par des crues de cette rivière avant même la réhabilitation du pont sur la dite rivière. Certains parmi les usagers de cette route qui se sont exprimés demandent au gouvernement burundais d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Le reportage de Jean-Pierre Misago qui s'est rendu sur les lieux. Avec le début de l'aménagement d'une déviation sur la rivière Guitotoué au début du mois de mai 2022, les usagers de la route nationale numéro 3, tronçon Rumonga-Nyanza-Lac, avaient cru que la réhabilitation du pont sur cette rivière allait immédiatement suivre. Cet espoir semble actuellement se dissiper, environ 7 mois après qu'aucune autre action n'a été initiée. Et pendant ce temps, ce cours d'eau a cru redoutable pendant la saison pluvieuse, continue à détruire cette déviation. Pour certains usagers de cette route, l'aménagement de cette déviation n'a pas tenu compte de la puissance de cette rivière pendant la saison pluvieuse. Ceux qui se sont exprimés demandent une intervention rapide des pouvoirs publics pour pérenniser le trafic dans cette route. Régis Mawenayo, directeur général de l'agence routière du Burundi, dit prévoir une descente sur le terrain afin de fournir une orientation à l'entreprise Chico qui a gagné le marché de réhabilitation de ce tronçon. Environ 3 ans viennent de s'écouler que les usagers de cette route aient commencé à alerter pour la réhabilitation de ce tronçon. Jean-Pierre Misago, depuis Karonda, sur la colline Gashasha, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Tout Burundi en général, ou mes garçons en particulier, est appelé à s'investir dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Appel du vice-président de la République du Burundi lors des cérémonies de lancement officiel de la campagne de 16 jours d'activisme contre ces violences, ce mardi à Karusi. Prosper Bazombanza rassure que ça permettra d'arriver au développement durable dans le pays. Quant au gouverneur de la dite province, ces violences sont une réalité dans cette entité administrative. Les détails avec Blaise Pascal Kararumi. Accueillant les invités de marque dans ces cérémonies, le gouverneur dévote Nizigimana a confirmé que depuis juillet 2021 au juin 2022, des violences faites aux femmes et aux filles ont été beaucoup remarquées dans les différentes contrées de la province. Il a fait remarquer qu'en collaboration avec tous les intervenants qui œuvrent en la matière, plusieurs dossiers ont été transmis à la justice et que des procès ont été rendus. La ministre de la Solidarité nationale du genre et des droits de l'homme a expliqué au public présent l'objectif de cette campagne qui va durer plus de 2 semaines. Il a expliqué que c'est l'occasion d'encourager et appuyer tout individu ou organisation qui lutte pour l'éradication de ces violences basées sur le genre, évaluer le pas franchi, relever les défis rencontrés et explorer les voies d'y faire face, mais aussi apporter du soutien aux victimes. Imer de Sabchimique a indiqué que le ménage doit vivre paisiblement pour que tout le pays puisse vivre paisiblement et avoir un développement durable. Le coordinateur des systèmes des Nations Unies au Burundi a signalé qu'à travers l'ONU Femmes, elle va s'investir avec urgence pour encourager et soutenir toute initiative visant à éradiquer toute forme de violence basée sur le genre. Le vice-président de la République, Prosper Azombanza, après avoir énuméré les différentes formes de ces violences et parlé de leurs conséquences dans la famille et même dans le pays entier, il a remercié les hommes et les garçons qui s'investissent dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Il fait espérer qu'avec les 15 personnes qui viennent d'être élues dans les mécanismes de justice à la colline, ces violences basées sur le genre pourront être éradiquées une fois que ces derniers s'y investissent et évitent l'arrangement à l'amiable. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumiye pour la radio Isanganiro. Merci Blaise Pascal Kararumiye. L'OHCR RDC, en collaboration avec la Commission nationale congolaise pour les réfugiés, vont rapatrier 101 réfugiés burundais répartis en 37 familles et sont mécrédits en provenance des camps de Rusenda et Mulongo et en territoire d'Ofizi. Cette vague est la dernière pour cette année, font savoir les responsables de la CNR. Ce mercredi matin, le convoi a traversé la frontière de Gatumba en direction du camp de transit Gihanga et le prochain rapatriement aura lieu en 2023, toujours selon les mêmes sources. Après une courte pause, ça sera la chronique sur les messages d'ONU. Parle, rassure-moi. Les leaders politiques qui se lancent des messages d'ONU en public peuvent conduire à la violence générale. Le politologue Elias Senamba qualifie son comportement comme une faible culture politique en direction de la démocratie. En principe, tout le monde devrait se respecter mutuellement, estime-t-il. Ce professeur d'université appelle ses leaders à servir d'exemple pour éviter au pays de sombrer dans des violences de masse qui en découlent. Les détails de cette chronique sur les messages d'ONU avec Francine Diokougaï. Certains leaders politiques se lancent des messages pas toujours gentils, malheureusement. Le professeur d'université et politologue Elias Senhamba parle des discours divisionnistes tenus par certains leaders politiques. Pour lui, de tels messages montent les uns contre les autres selon leurs intérêts. Tout se faisant comme si chacun montrait qu'il est le seul bon, que l'autre, son adversaire, il est mauvais. Implicitement, qu'il faudrait que ce soit lui qui soit promu et que ce soit son adversaire, s'il est promu, qu'il soit démis de ses fonctions par une voix telle ou telle autre. Mais ce que je vois, mon analyse, c'est que c'est normal pour chacun de ces leaders politiques de percevoir, de lire, de comprendre le leadership à sa façon, en fonction des intérêts qu'il défend. Mais le problème, c'est lequel? C'est que lorsqu'il lance des messages de haine, presque voulant inviter, mobiliser son auditoire à se lever contre son adversaire et vice-versa, c'est qu'en fin de compte, il invite à la violence générale. Ce comportement des leaders qui vouent publiquement une haine à leurs adversaires n'est pas bon signe, car il peut conduire à des violences de masse. L'opinion se positionne en fonction du leader derrière lequel elle se trouve. Il y a risque de se confronter, il y a risque d'entrer dans la danse de violence incalculable, parce que l'opinion elle-même manque de culture politique en direction de la démocratie. C'est très mauvais. Les violences de masse, ça commence comme ça. La haine, quand elle est répandue par le sommet, elle se répand très rapidement. Vraiment, les leaders, je leur conseillerais d'ailleurs de se retenir, de faire preuve de fair play. Ça veut dire de respecter tout le monde, y compris ses opposants, ses adversaires politiques. Parce que c'est normal qu'ils soient opposants. Les postes intéressants, ils sont peu nombreux. Et les candidats sont très nombreux. D'après le politologue Elias Senhamba, quand un état de droit est respecté, les responsables servent de bons exemples dans la communauté. Parce que chaque leader devrait comprendre qu'il n'est pas tenu d'être d'accord avec son adversaire, mais il est tenu de le respecter. Il n'est pas tenu d'aimer que ses adversaires prennent le pas, occupent les fonctions de pouvoir avant lui, n'est-ce pas, ou les monopolisent. Mais il est tenu de respecter quand même l'état de droit. Et c'est comme ça que, à mes yeux, il devrait se respecter au moins mutuellement, parce que celui qui mobilise la haine contre les autres est normalement puni par la loi. Donc je pense que le respect de l'état de droit nous manque encore. Vous êtes au service de la nation. Vous devriez donner l'exemple d'une communication non violente. Ce professeur d'université estime également que la population devrait rester vigilante et savoir distinguer le bien et le mal à travers les messages donnés par leurs leaders. Merci à Francine Diokougaï pour tous ces détails. Ainsi s'achève ce journal de la mi-journée de son mercredi. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la parfaite collaboration. Vestine Outou, j'étais à la présentation. Au revoir.